Toi qui te sers des données éternelles pour nous introduire dans tes perfections. Oh oui, tu es venu mettre ensemble l'humain et le divin en instituant une alliance éternelle dans laquelle ta grâce prend en charge nos insuffisances et nous laisse savourer les délices de ta magnificence. Alléluia. Merci de nous accueillir dans tes parvis, Seigneur. Alléluia.